Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Que savons-nous du temple de la déesse Ningal, épouse du dieu Lune? Qui était la grande prêtresse du dieu Nana, l'Antum? Comment ces prêtresses se situaient-elles entre religion et politique, s'interroge l'assyriologue Dominique Charpin. Comment devenait-on Antum? Quelle était la postérité de ces prêtresses? Qui était Sinada, intendant du temple de Ningal? Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, nous entraîne en Irak, entre archéologie, épigraphie et histoire, à la redécouverte de la ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne, entre 2004 et 1595 avant Jésus-Christ. Après des études d'histoire, d'archéologie et de philologie à la Sorbonne, Dominique Charpin, qui s'est pris de passion dès sa jeunesse pour la région de l'ancienne Assyrie, s'est spécialisé dans la Mésopotamie au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, l'époque paléo-babylonienne, qui est dominée par la figure illustre du roi Hammurabi. Dans le cours consacré au culte de Nana, le dieu lune, diffusé la semaine passée, l'assyriologue rappelait, je le cite, le polythéisme mésopotamien organisait le panthéon de plusieurs manières. Les dieux étaient unis les uns aux autres par des liens familiaux. C'est ainsi que le dieu lune, Nanasin, était considéré comme fils aîné du couple Enlil-Nanlin. Il était l'époux de Ningal et père de Inanna-Ishtar et d'Utu-Shamash, mais aussi de divinités moins connues comme Gubalag. Enfin, notait-il encore, les dieux avaient un enracinement territorial. Les plus importants d'entre eux étaient considérés comme principales divinités d'une ville. Pour la cité d'Ur, c'était le dieu Nana. Logiquement, le sanctuaire de Nana à Ur était le plus important sanctuaire de la ville au cœur de laquelle il se trouvait. Différents bâtiments étaient liés à ce sanctuaire. Nous avons découvert précédemment le Ganoumar pour la vie économique et le Doublamar pour la vie juridique dans le cours précédent. Aujourd'hui, Dominique Charpin interroge un nouveau bâtiment, le Guipar. Il indique que ce bâtiment, attesté depuis le troisième millénaire, regroupait deux ensembles architecturaux distincts correspondant à deux fonctions. Premièrement, la demeure des prêtresses Antum, soit le Guipar proprement dit. Il n'existait qu'une seule prêtresse Antum à la fois, choisie parmi les filles du roi et vouée au dieu Nanasin pour sa vie entière. Elle habitait dans cette demeure sous laquelle se trouvaient les tombeaux des précédentes Antum. Et deuxièmement, le temple de la déesse Ningal, parèdre de Nana. Les fouilles de 2017 ont également permis de découvrir la maison de l'intendant de ce temple, au sud de la ville. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 30 mai 2018 pour le cours de Dominique Charpin, intitulé « La ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne », aujourd'hui le Guiparcou, princesse et religion. Séance aujourd'hui consacrée au Guiparcou, résidence de la prêtresse Entoum et temple de la déesse Ningal. Comme pour le Ganoumar, on a affaire avec le Guiparcou à un nom commun suivi d'un adjectif. On avait entrepôt sublime, on a ici Guipar pur. Et je me conformerai à la tradition qui consiste à désigner le bâtiment avec son épithète, donc sous la forme Guiparcou. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'un Guipar? Le texte de la Lamentation sur Sumer et Ur, que nous avions consulté la semaine passée pour un autre bâtiment, le Doublamar, est moins clair concernant le Guipar. À propos de la ville d'Uruk, on y lit « Inanna abandonna Uruk, elle partit pour un territoire ennemi, dans les Anna, qui est donc le temple d'Inanna, l'ennemi posa ses yeux sur le guipard pur, le guipard pur de la fonction d'en, en sumérien nam enna, a été profané, son prêtre en a été arraché du guipard et transporté en territoire étranger. Un autre texte peut être sollicité, cette fois la lamentation sur la destruction d'Ur, où on a ce passage plus précis qui s'adresse au dieu Nana lui-même. « Ur, le sanctuaire, a été livré au vent. Comment maintenant peux-tu prospérer ? Sa prêtresse En ne vit plus dans le guipard. Comment maintenant peux-tu prospérer ? Ta prêtresse En fidèle, choisie voluptueusement dans les Kishnougal, ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au guipard. » Ce que ces textes montrent, c'est donc qu'il s'agit d'un bâtiment lié à une fonction religieuse remplie par une personne désignée par le titre sumérien de En. On reviendra sur le genre de cette personne tout à l'heure, mais je dirais d'emblée qu'à Ur, il s'agit d'une femme, et par commodité, je la désignerai dans ce cours par le titre akkadien équivalent de Entum. On possède à Ur une inscription d'une de ces Entum, qui s'appelle Enanedu, on en parlera souvent aujourd'hui, qui donne une définition encore plus précise, et je vous cite un passage assez long, c'est le début de cette inscription. Enanedu, prêtresse Entum de Nana, la grandeur de la prêtrise est innée, la noblesse chose divine. La personne qu'aime Ningal reçoit de sa main ce qui fait la pureté de la prêtrise. Parure de l'Ekishnougal, qui culmine plus haut que les cieux, ornement de l'Enun, je reviendrai tout à l'heure sur ce bâtiment, lumière très brillante qui se lève sur le pays, convenant vu sa sainteté au masque de la prêtrise, appelée à juste titre pour accomplir les rites de purification de la divinité, princesse pleine de révérence, qui se tient sur la haute estrade du temple de son roi, après avoir procédé à la purification, Enanedu, prêtresse présentée à Nana et Ningal, à Ur, ville prééminente de Sumer, lieu où joue pour le seigneur d'Elimbabar, c'est-à-dire le dieu lune Nana, l'instrument Zannaru, l'être qui a le grand rôle d'y bâtir en un lieu pur le guipard pour en assurer la prêtrise, c'est moi. Donc on voit bien comment Enanedu se définit à la fois par sa charge de prêtresse Entum et par la nécessité qui est la sienne de bâtir le bâtiment appelé guipard. À Ur, il s'agit d'une institution qu'on peut suivre dans la longue durée, depuis Enheduanna, fille de Sargon d'Agadé, au XXIVe siècle, jusqu'à Enligaldinana, la fille du roi babylonien Nabonide, au VIe siècle, soit sur près de deux millénaires. C'est par ailleurs le seul endroit où un guipard ait été retrouvé, à l'exception d'une ville de la vallée de la Diyala, Khafadjetoutoub, dont on reparlera tout à l'heure. Je vous propose de commencer par analyser le bâtiment tel qu'il a été retrouvé lors des fouilles, puis nous ferons la synthèse de ce que nous savons sur les prêtresses Entum qui y vécurent successivement, pour l'époque paléo-babylonienne, avant de voir le culte qui y était rendu à la déesse Ningal. Le bâtiment se situe dans le Téménos, au sud-ouest de la Ziggourat. Il date pour l'essentiel de l'époque d'Ur III, avec des réaménagements importants à l'époque paléo-babylonienne. Il s'agit d'une des plus imposantes constructions découvertes à Ur datant de cette époque, même si, de nos jours, il n'en reste malheureusement plus grand-chose de visible. L'interprétation qu'on peut donner d'un tel ensemble repose sur différentes données. Le plan du bâtiment, ses aménagements intérieurs, fours, banquettes, socles, etc. Les objets qui ont été découverts in situ, on verra, il y a des statues, des bols, et finalement, les inscriptions. En bonne méthode, il est nécessaire de partir d'une analyse architecturale purement descriptive, et ensuite seulement, nous analyserons les données textuelles, car il est évident que l'interprétation donnée par les archéologues du plan des aménagements et des objets a été très nettement influencé par ce que les textes nous disaient de la nature du bâtiment. Ce bâtiment, donc, était presque carré, mesurant 79 mètres sur 76,50 mètres et orienté par les angles. Il était entouré par un mur massif décoré de niches sur trois côtés. auquel correspondait à l'intérieur un couloir périphérique. L'intérieur était traversé par un couloir, d'où la distinction faite par Woolley entre un bloc sud-est, qu'il a appelé C, et un bloc nord-ouest, qu'il a appelé A plus B. Chaque bloc avait son propre accès à l'extérieur et était subdivisé en plusieurs secteurs. On commence par le bloc sud-est. On y accédait par une porte monumentale flanquée de deux tours. Après avoir traversé les pièces C1 et C2, on arrivait au vestibule C3 qui ouvrait sur une enfilade de pièces organisées selon un plan axial. On avait d'abord un espace central C7 qu'on considère généralement comme une cour et dans le prolongement se situait une première pièce en largeur qui a été nommée C19, C20 par Woolley, une deuxième C21, C22, et ensuite on voit deux autres pièces qui sont à l'extrémité de cet ensemble. De part et d'autre de cette enfilade imposante, on a une couronne de pièces. Le bloc C comportait également deux petits secteurs sans communication entre eux. D'une part, le secteur C32-C34, dont la fonction est immédiatement identifiable en raison des fourneaux qui ont été retrouvés en C32 et d'un grand four découvert en C34. On est clairement dans la cuisine. Et d'autre part, on a le secteur C33 à 43, et j'indiquerai simplement ici la présence d'un caveau funéraire sous le sol de C43. Quittons le bloc sud-est pour passer au bloc nord-ouest. Ce bloc possédait une entrée monumentale aménagée dans le mur nord-ouest et par les pièces A1, A2 et A3, on arrivait à la salle A4 qui fonctionnait comme un véritable carrefour. À partir de cette pièce A4, on pouvait passer par la salle A5 dans le vaste espace carré A6 sur lequel s'ouvrait toute une série de pièces disposées en couronne. À l'ouest, on passait dans l'espace carré A16 et de là, à travers deux portes particulièrement majestueuses, on avait accès à tout un ensemble formé par les pièces A30 à A35. À quoi servait ce bâtiment ? Eh bien, heureusement, on a trouvé de nombreuses inscriptions qui permettent de le définir très précisément. Alors, ici, je ne vais citer que les textes trouvés dans le bâtiment qui ont trait à la construction elle-même, et je serai obligé de remonter jusqu'à l'époque de la troisième dynastie d'Ur, et ensuite je descendrai à l'époque paléo-babylonienne, puisque, comme je vous l'ai dit, le bâtiment a été construit dès le 21e siècle. Pour la période de la troisième dynastie d'Ur, donc, nous avons 12 crapaudines, commanditées par le roi Ur-Nammu, qui ont une inscription fort simple, « Pour Ningal, sa dame, Ur-Nammu, l'homme fort, roi d'Ur, roi de Sumer et d'Akkad, bâtit pour elle son guipar pur. » Donc, on voit de quoi il s'agit. Un autre roi d'Ur, Amarsine, a laissé sur des crapaudines et sur des stèles une inscription un peu différente. « Pour Ningal, sa dame, Amarsine, homme fort, roi d'Ur, roi des quatre rives, a bâti pour elle le guiparcou, son temple qu'elle aime, et l'a voué pour sa propre vie. » Nous passons maintenant à l'époque paléo-babylonienne, avec d'abord des inscriptions qui remontent à l'époque où la ville d'Ur était dominée par les rois d'Issine. Sous Ishmedagan, eh bien, nous avons des briques et un cône de sa fille Enanatouma, où l'on peut lire ceci. « Enanatouma, prêtresse Zirou, prêtresse Entoum de Nana à Ur, fils d'Ishmedagan, roi de Sumer et d'Akkad. » Le titre de Zirou est un synonyme de Entoum. Et par ailleurs, on y reviendra, vous voyez comment la prêtresse n'utilise pas le féminin pour se définir dans cette inscription. On aura l'occasion d'y revenir. On passe ensuite à l'époque où les rois de Larsa ont pris Ur sous leur domination, avec en particulier le roi Nouradhad. On a des cônes qui commémorent la construction d'une pièce qui est appelée chambre sainte, Enun Ku, hein, littéralement. Donc, je lis l'ensemble. Pour Ningal, la sainte épouse de Dilimbabar, c'est un des noms du dieu lune qu'on lisait autrefois Ashimbabar, sa dame bien-aimée, Nouradhad, puis il y a toute une titulature dont je vous fais grâce, lui a bâti pour sa vie une chambre sainte, pièce de son habillage, couche contiguë du héros Sin, il restaura pour elle la chambre comme il convient. Alors le problème dans une inscription de ce genre, c'est de savoir, est-ce que Edenun Ku III est un nom cérémoniel, ou est-ce que c'est un nom commun à lire Agrun Ku III, c'est-à-dire la chambre pure? Je penche pour un nom commun et on reviendra sur cette question dans la troisième partie. On a ensuite une inscription de Tsiliadad, un fragment de cône qui commémore le renforcement de la terrasse d'un bâtiment qui est appelé Eilurugu Kalamma, et je pense que ceci est le nom cérémoniel du temple de Ningal. Ce travail de Tsiliadad n'a pas été mené jusqu'au bout, puisque le malheureux n'a occupé le trône de Larsa que pendant 9 mois, et c'est son successeur, Waratsin, qui a complété l'œuvre. On a des cônes qui rappellent la restauration de l'Eilurugu Kalamma, Waratsin et sa sœur Enanedou, faisant bien attention de ne pas changer le plan de ce bâtiment. Et surtout, Woulet a retrouvé dans la cour C7 une tablette en pierre dont ne subsistent malheureusement que des fragments. Le motif en était la restauration du Guiparcou par Enanedou, qui se présente donc comme fils de Kudurmabouk et frère de Waratsin, selon la coutume qu'on a déjà rencontrée, et qui se décrit comme étant choisi par le dieu Nana, qui plaît à la déesse Ningal. Et cette inscription d'Enanidou mentionne des restaurations qui ont été effectuées par les Entoum qui l'ont précédé, notamment Enanatouma et Enshakyagnana. Nous reviendrons sur ces personnalités tout à l'heure. Et elle décrit aussi la remise en état du domaine agricole, on y reviendra, et son inscription s'achève par une prière. « Puisse mon travail plaire au dieu Nana, mon seigneur, et à la déesse Ningal, madame, comme l'huile la plus pure. Puisse-t-il m'offrir en présent de longues années et une vie de bonheur à Ur, ville de ma prêtrise, puisse-t-il, sans doute apprécier, mes bonnes actions ?» Cette inscription d'Enanedou est complétée par une autre qui figure cette fois sur un clou de fondation dont seule la tête a été préservée. Malheureusement, cet objet n'a pas été retrouvé lors des fouilles régulières et il a été offert au British Museum en 1949. La nature du texte est tout à fait claire. Il s'agit d'une inscription de fondation destinée à commémorer la réfection du Guipar par l'Eltoum Enanedou. L'inscription, assez longue, est composée en 4 parties. Dans la première, que j'ai lue en commençant ce cours, Enanedou se présente comme doté par les dieux de toutes les qualités dont doit être pourvue une Entoum et qui justifie qu'elle entreprenne la reconstruction du Guipar. La section suivante nous montre la prêtresse qui revêt la tenue rituelle, qui se caractérise par le port d'un masque, et elle procède au rite de purification. Et donc, le but de tout cela, c'est la reconstruction du Guipar. La seconde partie du texte souligne l'excellence des relations d'Enanedou avec les dieux Nana et Ningal. Habituellement, l'Entoum intercédait pour le roi son père auprès de la divinité, mais dans le cas présent, le roi, c'est son frère Rimsin, et donc c'est pour lui qu'Enanedou a prié, et ses demandes ont été exaucées. Enanedou décrit ensuite l'état de délabrement du Guipar et les travaux de réfection qu'elle y entreprit. Elle restaura le bâtiment d'habitation, elle pourvut d'un nouveau mur le cimetière où reposaient les prêtresses qui l'avaient précédé, on verra cela tout à l'heure plus en détail. Et on voit que dans le document tel qu'il est, et il est complet, il n'est nullement question d'un temple de Ningal. Le Guipar y est défini comme étant la résidence de la prêtresse Entoum. Le texte s'achève par la traditionnelle mention du document de fondation et du nom qui est donné au mur qui a été construit. Donc, si l'on tente un bilan de tout ce que nous venons de voir, il y a une présentation traditionnelle qui montre un bâtiment séparé en deux, avec la résidence de l'Entoum dans la partie nord-ouest du bâtiment, et au contraire, le temple de Ningal dans la partie sud-est, étant entendu que on a cet espace central, donc la cour qui s'ale, et puis on a une première pièce en largeur qui est décrite dans les textes akkadiens qui décrivent des temples comme étant le paparoum, et on a une deuxième pièce derrière qui correspond manifestement à ce que les documents appellent le kumum, la chambre, avec une niche tout au fond où l'on peut supposer que se trouvait la statue de la divinité. Mais, et là je me sépare de ce que j'ai écrit dans mon livre sur le clergé d'Ur, je pense que en réalité on a trop simplement suivi ce grand couloir pour analyser l'espace, et en réalité il y a non pas deux blocs mais trois, car on voit bien que l'espace formé par les pièces B1 à B8, ce que vous voulez appeler un labyrinthe, c'est un espace dans lequel, clairement, il y a des réserves. Et par ailleurs, on voit que ces réserves ouvrent directement de l'autre côté du couloir sur les cuisines. Et par conséquent, d'une certaine manière, il aurait fallu que les pièces C32 à 34 soient rattachées à l'ensemble B1, B8, et donc on a beaucoup plus logiquement trois ensembles, le temple de Ningal au sud-est, la résidence de l'Entoum au nord-ouest, et entre les deux, des réserves et une cuisine qui servaient aux deux autres ensembles. Une fois ce cadre architectural défini, eh bien, nous allons voir maintenant ce qu'on peut dire de la vie des Entoum qui ont vécu dans ce bâtiment, et on passera dans un troisième temps au culte qui y était également rendu à la déesse Ningal. Je vais maintenant me limiter aux prêtresses Entoum du premier quart du deuxième millénaire. On sait des choses sur celles qui les ont précédées, sur celles qui les ont suivies, mais ceci, évidemment, nous entraînerait beaucoup trop loin. Une étude prosopographique nous permet de rassembler pas mal de données sur un certain nombre de ces femmes. Il y en a cinq au total qui sont documentées. La plus ancienne a un nom qui malheureusement n'est pas connu entièrement. Donc ça commence par Enbara et ça finit par Anna, et on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. Elle était la fille du roi d'Issine Ishbi-Erra, et elle est documentée par le nom de l'année 22 de ce roi, année où Ishbi-Erra a choisi par la divination une fille du roi comme prêtresse Egetsitum. Et pendant longtemps, on a cru que ce titre de prêtresse, en sumérien Ninzi-Anna, était le nom propre de sa fille. En réalité, il s'agit d'un titre, et le nom nous est donné par une variante de ce nom d'année, donc Enbara-Anna. On voit donc que, dès sa conquête d'Ur, le roi d'Issine Ishbi-Erra se conforma à l'usage des rois antérieurs en faisant choisir une de ses filles par le dieu Lune pour qu'elle devienne sa prêtresse. Et j'indique tout de suite, une des caractéristiques très importantes de cette charge, c'est qu'il n'y avait qu'une seule Entoum qui occupait la fonction. Il fallait attendre la mort d'une Entoum pour qu'une nouvelle Entoum soit choisie. La suivante qui nous soit documentée s'appelait Enanatumma, et elle était la fille du roi Ishmedagan d'Issin. Elle est connue par deux noms d'années qui sont séparés par un laps de temps qu'on ne connaît pas. Le premier, c'est année où le roi Ishmedagan a désigné par divination la prêtresse de Nana à Ur, et l'autre nom d'année, c'est année où le roi Ishmedagan a installé la prêtresse de Nana à Ur. On reviendra sur cette distinction. Il y a aussi des inscriptions commémoratives dont on reparlera, mais ce qui est remarquable, c'est que du vivant de cette Enanatumma, eh bien, a eu lieu un événement politique majeur, la prise d'Ur par le roi de Larsa, Gungunum. Eh bien, Enanatumma est restée en place et elle a voué un temple au dieu Shamash pour la vie de Gungunum. Donc, ce bâtiment a été construit à Ur, et ainsi, donc, la Praetressentum manifestait sa reconnaissance et sa fidélité, en quelque sorte, aux nouveaux dirigeants politiques de la ville. Il faut ici mentionner quelque chose qui est assez étrange et qui, jusqu'à présent, je crois, n'a pas été bien compris. Le fait qu'on doive remonter dans le temps avec ce qui s'est passé sous Lipitechtar, donc le successeur d'Ishmedagan sur le trône de Isin. Celui-ci a en effet nommé une prêtresse Entoum, mais cette fois non pas pour le dieu-lune Nana, mais pour le fils de celui-ci qui s'appelait Ningublaga ou Ningubalag, comme les sumérologues veulent aujourd'hui que l'on appelle cette divinité. Alors, on connaît cet Entoum de deux manières. D'abord par un nom d'année de Lipitechtar, année où Lipitechtar a choisi par divination Enlinsunzi comme prêtresse Entoum de Ningublaga à Ur. Et par ailleurs, on a une inscription qui commémore la construction d'un guipar où Lipitechtar nous dit explicitement qu'il a installé sa fille. Alors, cette nomination est très étrange et il faut tout de suite ajouter qu'on ne connaît par la suite aucune autre prêtresse Entoum de Ningublaga. Comment expliquer cet événement singulier? Eh bien, j'ai une hypothèse à proposer qui est lié à la longévité de Enannatumma, puisqu'on voit que celle-ci va vécu au-delà du règne de Lipitechtar jusque sous le règne de Gungunum. Et donc, il me semble que Lipitechtar a voulu faire quelque chose pour sa propre fille. Si vous faites le calcul, Ishmedagan a régné 19 ans, Lipitechtar 11 ans, et donc à la fin du règne de Lipitechtar, ça pouvait faire plus de 25 ans qu'Enannatumma était en place, et l'installation de Enlinsunzi, c'est une façon de faire en sorte qu'elle puisse elle aussi avoir un statut de prêtresse Entoum, mais comme il n'y en a qu'une au même moment pour le dieu Nana, eh bien, on l'a voué au fils du dieu Nana. Alors, ce qui est sûr, c'est que cette nomination est intervenue juste avant le moment où Lipitechtar a perdu le contrôle sur Ur, car en l'année 13 de Gungunum, eh bien, qu'est-ce qu'on commémore? Année où Enlinsunzi a été installé comme prêtresse Entoum de Ningublaga. Alors on retrouve ici les deux temps que nous avons constatés tout à l'heure, le choix par divination dans un premier temps, l'installation dans un deuxième temps. Mais ça n'est pas le même roi qui a fait les deux actions. Et donc, on voit là encore que le roi de Larsa, Gungunum, a joué, en quelque sorte, la carte de la continuité. Mais il s'est agi d'une espèce de parenthèse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ce guipar de Ningublaga, qui a été retrouvé sur le site SM, à Our, a été retrouvé très ruiné parce que c'est un bâtiment qui a dû être occupé peu de temps et pas restauré. L'Entoum suivante, alors cette fois nous revenons à la bonne lignée, si je puis dire, des Entoum de Nana, s'appelait Enmegalana. On a supposé que c'était une fille de Gungunum, mais ça n'est pas sûr, et elle n'est en fait attestée qu'après sa mort dans une liste d'offrandes funéraires. Il y a ensuite manifestement une lacune, parce que nous n'avons comme mention de Entoum que le nom de Enshakiag Nana, qui est la fille du roi Sumuel. Donc ça nous fait quand même une longue période où il n'y a personne. Et cette Enshakiag Nana, eh bien, elle est connue par le nom de l'année 22 de Sumuel, année où la prêtresse Entoum de Nana, nommée Enshakiag Nana, a été installée. Et on n'a pas de nom d'année commémorant son choix par la divinité, mais les noms d'année de Sumuel présentent des problèmes tout à fait particuliers, dans le détail desquels je ne rentrerai pas. Donc on est ici en 1874, très exactement. La date de la mort de cette Entoum pose un problème. En effet, on a un texte non daté qui a été édité par Gad et qui recense des cadeaux qui ont été faits par le roi, sous-entendu Waratsin, son frère Rimsin, un certain Boudidi, Etelloum, et là il y a un signe de lecture incertaine, on a commencé par lire « fils du roi Gungunum », Lentoum Enshakiag Nana et Lentoum Enanedou. Alors tout de suite, vous voyez un problème. Vous nous avez dit qu'il n'y avait qu'une Entoum en même temps, et qu'est-ce que c'est que ce texte dans lequel on voit deux Entoum qui font des offrandes et qui sont nommées dans le même texte? Eh bien, quand Gad a publié le document, il a considéré que Enshakyagnana était en quelque sorte à la retraite, puisque Enannedu apparaissait également. Cette hypothèse que vous trouverez partout est à abandonner. Car une relecture du texte montre que Etellum n'était pas le fils du roi Gungunum, le signe abîmé est à lire Sukkal. Entre-temps, un autre document nous a attesté ce personnage avec le titre qui est lisible sans aucune hésitation. Or, si vous regardez bien, il y a 72 ans entre la dernière année de Gungunum et l'avènement de Waratsin. Alors, quand on croyait que Etellum était le fils de Gungunum, on pouvait se dire que Gungunum avait eu un fils juste avant de mourir et que par conséquent, si ça était agi à ce moment-là d'un nouveau-né, 72 ans plus tard, qu'il ait fait une offrande, c'était pas invraisemblable. Maintenant qu'on sait que Etellum était le ministre de Gungunum, il était adulte en 1906, et donc il aurait fallu qu'il soit plus que centenaire à l'avènement de Rimsin, ça n'est pas possible. Et donc, il faut réinterpréter le document clairement. Il s'agit d'un inventaire d'objets inscrits, mais qui ne comptabilise pas seulement des offrandes récentes. Donc, vous avez des offrandes qui remontent à l'époque de Gungunum, d'autres qui sont un peu plus récentes, et pour finir, vous avez des offrandes qui datent du roi Waratsin et de son frère Rimsin. Et donc, l'utilisation de ce texte pour calculer l'âge de l'Entum Enshakyagnana, comme l'a fait Gad, eh bien, elle est abandonnée, de même que la notion d'Entum Emerita, comme l'avait écrit Gad. On arrive maintenant donc à Enannedu, que nous avons déjà rencontré. Celle-ci était donc fille de Kudurmabuk. Nous n'avons pas de nom d'année qui célébrerait son choix par divination, mais le nom de l'année 7 de son frère Waratsin, le roi de Larsa, dit ceci, année où le roi Waratsin a installé l'entum de Nana, avec une variante qui nous donne le nom de la prêtresse, année où Enannedu a été installée. On a déjà vu les deux inscriptions commanditées par Enannedu, une tablette en pierre du temps de Waratsin et un clou de fondation sous le règne de Rimsin. On possède également son sceau sur un document où elle donne une terre à un prêtre Kunana, document sur lequel on reviendra. Et ce sceau la décrit comme Enannedu, prêtresse Entum du dieu Nana à Ur, fils de Kudurmabuk, frère de Waratsin, le roi de Larsa. Nous ignorons quand mourut Enannedu, mais ce qu'il faut signaler tout de suite, c'est qu'il n'existe aucun témoignage sur une Entum qui lui aurait succédé et qui aurait vécu sous Hammurabi et Samsu-iluna lorsque les rois de Babylone ont annexé la ville d'Ur. Du moins est-il sûr que le temple de Ningal était alors toujours en activité. Je voudrais maintenant, après cette prosopographie un peu fastidieuse, passer à des aspects un peu plus concrets de la vie de ces prêtresses Entum, et on verra également qu'on a des informations relatives à leur mort. Alors, un préliminaire sur lequel il nous faut revenir, c'est la question du genre. En sumérien, En peut être aussi bien masculin que féminin, et donc il y a une difficulté. Lorsque Rivka Harris a publié les archives paléo-babyloniennes découvertes à Hafadja, l'ancienne Toutoub, elle pensait que ces archives appartenaient à un prêtre Enum. Mais par la suite, divers auteurs ont réussi à prouver qu'en fait, cet idéogramme En désignait un homme lorsque la divinité qu'il desservait était féminine, par exemple Inanna Ahuruk. L'En est un homme, et inversement, l'idéogramme désigne une femme lorsque elle est vouée à un dieu, et c'est le cas donc par rapport au dieu Nana, au dieu Lune. Donc les En de Nana, Sin, Ahur étaient clairement de sexe féminin, même lorsque dans leurs inscriptions manque la marque du féminin, comme on l'a vu dans un certain nombre de textes que j'ai déjà cités. Comment devient-on Entum ? Il faut appartenir à la famille royale et on voit que l'on a affaire à une nomination en deux temps. Alors un choix par divination d'abord, les noms d'années nous disent assez souvent, année où une telle a été choisie par divination. Et là, évidemment, nous avons le sentiment que le choix des dieux était téléguidé, en quelque sorte, puisque on voit chaque fois qu'on peut vérifier que les Entum sont filles du roi régnant. Donc je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que la divination portait sur la question de savoir laquelle des filles du roi allait devenir prêtresse. Donc on ne disait pas au roi, d'une manière générale, « qui veux-tu ?», mais on lui disait « est-ce que tu veux une telle ou est-ce que tu préfères une telle ?» Et ça dépendait évidemment du nombre de filles disponibles. Le texte le plus détaillé pour montrer comment une Entum était choisie, c'est en fait l'inscription du roi Nabonide à l'époque néo-babylonienne, qui nous montre que dans un premier temps, il y a eu une éclipse de lune qui a alerté sur le fait que le dieu désirait une Entum, et ensuite on procède à un système divinatoire classique par oui ou non en posant la question, et finalement donc c'est la fille qui finit par être appelée Enigaldinana qui a été choisie. Et puis dans un deuxième temps, donc, on a l'installation de la prêtresse en question et on voit qu'il s'écoule quelques années, c'est variable, entre le moment du choix et le moment de l'installation, sans qu'on sache pourquoi ce laps de temps a existé. Ce laps de temps n'est pas régulier. Est-ce que c'est parce que l'entum choisie était trop petite et qu'il fallait attendre un petit peu avant qu'elle puisse entrer dans le guipard? C'est possible, mais ça n'est pas sûr. L'idée qu'il y ait eu une formation dans l'intervalle me paraissant peu vraisemblable. Ce qu'on note, donc, c'est que lorsque le roi change, eh bien, ça ne fait rien. C'est bien l'entum choisi par la divinité qui doit être installé par le roi nouveau. Deuxième caractéristique, le fait que nous avons une onomastique de fonction. Toutes ces prêtresses ont un nom qui commence par N, c'est-à-dire par leur propre titre. Et cette onomastique sumérienne est souvent tronquée. Dans le cas de Enanatumma, par exemple, on peut traduire par l'entum qui apporte, et puis il manque un morceau, le du dieu An. Enmegalanna peut être compris comme entum qui est apte, sous-entendu, au grand rite du dieu An. Mais il y a d'autres noms qui se comprennent sans qu'il soit besoin de suppléer un élément, comme Enshakyagnana, qui veut dire l'entum bien-aimé du dieu Nana, ou encore Enanedu, l'entum qui convient au dieu. On a vu que ces entum sont décrites comme étant bien-aimées de la divinité. Et donc, on a ici un vocabulaire qui laisse penser que le dieu n'est pas insensible au charme de la prêtresse. Je ne rentrerai pas ici dans le dossier trop compliqué du mariage sacré, parce que il nous faudrait plus que le restant de l'heure pour en parler. Mais ce qui est certain, c'est que, d'une certaine manière, il y a en effet un lien très particulier entre le dieu et sa prêtresse, qui peut, d'une certaine manière, être considérée comme une épouse. Et donc, ces prêtresses étaient pourvues d'une dot qui leur était offerte par leur père, selon les usages de l'époque en matière de mariage. Alors, pour Ur, malheureusement, nous n'avons aucune source, mais pour la ville de Hafadja Tutub, eh bien, il y a un texte très intéressant qui commence ainsi. La dot que Gagoum, le fils d'Abishmoumou, a donnée à l'entum de Sin de Tutub, depuis champ, maison, verger, bœuf, mouton, servante, esclave, jusqu'à, et puis ensuite il y a une cassure, que et de Taban n'y fassent pas obstacle, sinon que sa descendance soit détruite et que Shamash soit le gardien Rabitsum de cet accord. Et on a ensuite des témoins. On sait, grâce à Jean-Marie Durand, que le terme Niditum désigne à Marie la dot donnée par le père à une jeune épousée ou à une prêtresse. C'est manifestement, ici aussi, le cas. Mais le document ne constitue pas la tablette dotale à proprement parler, puisque les différentes catégories de biens énumérés ne sont pas quantifiées. On peut donc penser que, de la même manière, les entoums de Nana à Our recevaient une riche dot versée par leur père lors de leur entrée dans le guipard. Quelles sont maintenant les activités que les prêtresses accomplissaient à l'intérieur de ce bâtiment. Alors, premièrement, elles devaient revêtir les habits correspondant à leur statut. Et l'une des préoccupations de Nabonide, lorsqu'il a ressuscité, en quelque sorte, le statut d'Entoum pour sa fille, a été de savoir comment la vêtir. Et il raconte comment il a découvert une stèle représentant une fille du roi Nabucodonosor Ier et comment il s'en est inspiré pour commander les habits de la nouvelle Entoum. Certains ont mis en doute l'authenticité de l'épisode, mais je ne partage pas ce scepticisme. Malheureusement, Wulé n'a pas retrouvé cette stèle, mais il a découvert dans la pièce C22, donc dans le sanctuaire, une statuette en diorite vouée par Enannatumma. Alors, il y a un problème d'interprétation. Si on regarde la légende de Wulé, on voit qu'il considérait que c'était une statue de la déesse Ningal. En réalité, ça n'est pas le cas. C'est une statue qui représente l'Entoum elle-même, avec les mains jointes, qui est le geste traditionnel de la prière. Alors, la statue est très cassée, mais enfin, vous voyez un peu les traces de cette robe à volant qui est une des caractéristiques de la mode féminine en Mésopotamie. Et vous avez sur le côté du siège sur lequel est assise la prêtresse, une inscription qui dit ceci: « À la déesse Ningal », puis ensuite il y a des épithètes, « Enannatumma, la prêtresse Entoum, bien-aimée du dieu Nana à Our, la fille d'Ishmedagan, roi du pays de Sumer et d'Akkad, a apporté pour elle cette statue dans l'Enoun », on reviendra sur ce bâtiment tout à l'heure, « et la lui a vouée pour sa vie ». Les textes nous parlent par ailleurs d'un élément distinctif du costume d'une Entoum avec un terme sumérien compris généralement comme une sorte de masque, mais on n'en sait pas plus. En ce qui concerne le culte, eh bien, c'est là que nous avons fort peu d'informations. Je rappellerai seulement le passage de la lamentation sur la destruction d'Our que j'ai cité en commençant. « Ta prêtresse haine fidèle, choisie voluptueusement dans les Kishnougal, ne se rend plus joyeusement du sanctuaire au Guipar. » Et donc on voit que la prêtresse Entoum, quoique résidant dans le Guiparcou, qui était en même temps le temple de la déesse Ningal, se rendait aussi dans le temple de Nana. Et cette bipolarité est évidemment tout à fait importante pour comprendre les relations entre la prêtresse, qui était au service de la déesse Ningal, et en même temps à l'égard du dieu Nana. Ici, on ne peut pas s'empêcher de penser aux relations qui étaient celles entre l'épouse secondaire et l'épouse principale d'un homme. On dit bien que l'épouse secondaire est au service de l'épouse principale et en même temps, bien entendu, elle est l'épouse de l'homme. Donc il pourrait y avoir une sorte de projection de cette réalité sociale sur ce statut. On a aussi des données concernant la gestion du domaine qui était rattaché au Guipar. Dans la stèle, malheureusement très fragmentaire, que j'ai déjà citée tout à l'heure, Enannédou rappelle ses principales actions, et en particulier la remise en culture de champs qui avaient été abandonnés auparavant. Alors, ce qu'on ignore, c'est si le Guipar en tant que tel disposait d'un domaine particulier ou si celui-ci ne faisait qu'un avec le domaine du temple de Ningal. Et deux indices me font pencher pour la seconde solution. D'abord, d'un point de vue matériel, nous avons déjà vu que la cuisine semble bien conçue pour desservir aussi bien le temple que la résidence de l'Entoum. Et par ailleurs, dans les listes d'offrandes qui ont été retrouvées dans la pièce C26, figurent des denrées qui sont destinées aussi bien aux offrandes dans le temple que au culte funéraire des Entoum défuntes. J'y reviendrai tout à l'heure. On a également la trace dans ce bâtiment de la dédicace d'objets votifs. Et donc, il est clair que l'Entoum avait comme rôle de faire ce type de présent pour rappeler aux divinités les personnes, et en particulier leur père, auxquels elles devaient apporter leur bénédiction. Et puis, il y a des rois eux-mêmes qui font des dédicaces. Donc, on a retrouvé un vase en pierre avec une dédicace du roi Ishmedagan d'Issine, la statuette d'Enanatuma, j'en ai déjà parlé. Il y a également un vase en pierre qui est offert à Ningal pour la vie de Sumuel. Et puis, il y a une grande stèle de Hammurabi qui occupait le centre de l'espace C7, mais qui malheureusement a été retrouvée sous forme de quelques fragments misérables. La reconstitution de l'ensemble, qu'on ne peut pas faire malheureusement, mais laisse supposer qu'il s'agissait d'un texte très long et tout à fait considérable. J'en viens maintenant à la mort et à la postérité d'une prêtresse Entoum. Là, nous avons des renseignements de deux ordres, archéologiques et textuels. Je rappelle donc, les caveaux funéraires retrouvés dans la partie nord du bâtiment, sous les pièces B9 à B16. Il s'agit malheureusement de la partie la moins bien conservée du bâtiment et nous verrons lors de notre dernière cours l'hypothèse que l'on peut faire pour expliquer cet état très ruiné de l'endroit où se trouvaient les caveaux funéraires, donc sous toutes ces pièces. Nous possédons par ailleurs une description de la restauration de ces tombes dans le clou de fondation d'Enanédou. En ce temps-là, le mur de soutènement du cimetière des prêtresses d'antan, à cet endroit, un mur ne s'élevait plus. Sa structure et son, il y a une cassure, étaient tombés en ruine. Il n'y avait plus de garde. Cet endroit n'était plus purifié. Moi, grâce à mon savant entendement, je recherchais l'emplacement d'un cimetière qui convint aux jours à venir. Au-delà du lieu où reposaient les prêtresses d'antan, j'élargis la zone sacrée. De ce lieu tombé en ruine, je relevai le grand mur, je plaçai une garde forte, je purifiai son emplacement. Pour proclamer mon nom choisi pour la prêtrise, je restaurai cet ouvrage. Alors, ce qui est intéressant dans le document, c'est par deux fois la paire que vous avez entre la notion de garde et la notion de pureté. Et ceci, évidemment, nous renvoie à une réalité qu'on va voir tout à l'heure dans le personnel du temple de Ningal, l'existence de portiers, donc c'est eux qui assurent la garde, et l'existence de ce qu'on traduit par balayeurs, mais qui, littéralement, ce sont des gens qui sont chargés de maintenir la propreté de la cour, des espaces d'allée, et donc la dualité garde-purification renvoie très certainement à ces deux charges. Par ailleurs, il est très difficile de faire coïncider précisément ces indications avec le plan du bâtiment, et je vous fais grâce des problèmes de traduction de ce texte sumérien très difficile. Il y a également des offrandes qui étaient faites post-mortem à ces prêtresses Entoum. Par exemple, pour Enanatumma, la fille d'Ishmedagan, eh bien, nous avons un texte qui date des rois Abissaré et Sumuel, qui montre qu'elle reçut des offrandes funéraires après sa mort. Alors, à propos de ces offrandes aux prêtresses Entoum décédées, il faut citer le commentaire de Rivka Harris. On pensait que le pouvoir de la prêtresse Entoum d'assurer la prospérité de la communauté continuait après sa mort. De fait, des offrandes étaient faites aux Entoum précédentes dans l'espoir que le pouvoir continuerait à agir de leur part. Je crains que ce soit tout à fait du roman. En réalité, la situation est beaucoup plus simple que cela si l'on fait l'analogie avec ce que nous connaissons pour les maisons des particuliers. Dans les maisons des particuliers, nous avons des caveaux dans lesquels les ancêtres de la famille étaient enterrés. Et nous savons que régulièrement, le chef de famille procédait au rite du kispoum dans lequel il faisait des offrandes pour les ancêtres de la famille. Eh bien, le problème des Entoum, c'est que n'ayant pas d'enfants, elles n'avaient a priori personne qui puisse s'occuper d'elles après leur mort, et manifestement, c'est donc le travail de celle qui leur a succédé que de veiller à ce que les Entoum précédentes reçoivent la nourriture et la boisson dont elles avaient besoin pour leur survie dans le cadre des conceptions mésopotamiennes liées au statut après la mort. Donc, ce sont des offrandes funéraires qui sont destinées ni plus ni moins à maintenir dans cet état de survie qui était celui des morts, et ça n'a rien à voir avec le pouvoir des Entoum, me semble-t-il. Il est grand temps de passer à l'analyse du sanctuaire, du temple de Ningal proprement dit. Alors, nous nous imaginons a priori qu'une déesse doit habiter auprès de son époux, dans le temple de ce dernier. Or, les données d'Ur montrent que la déesse Ningal faisait chambre à part, si vous permettez cette façon de présenter les choses. Première question, quel était le nom du temple de Ningal? Dans certains textes, il semble que l'idéogramme Edenoun fonctionne comme nom du temple de Ningal en parallèle avec Ekishnugal, dont nous avons déjà vu que c'était le nom cérémoniel du temple de Nana. Par exemple, dans la lamentation sur Sumer et Ur, on lit ceci, « Le vaillant Sin entre dans l'Ekishnugal, la déesse Ningal se rafraîchit dans son sein Edenoun. » Et dans le clou d'Enanedou déjà cité, l'Entoum est décrite avec... un parallèle, parure de l'Ekishnugal d'un côté, ornement de l'Enoun de l'autre. Cependant, on remarque que Enoun est cité parfois seul, parfois suivi de l'épithète Koutroi, donc pur, saint, exactement comme le Guipard. Or, pour le Guipard, on l'a vu, il s'agit d'un nom commun, et non pas d'un nom cérémoniel. Autre indice du fait que Enoun serait un nom commun, eh bien le fait que Ningal n'est pas la seule déesse pour laquelle on nous parle d'un Enoun. Par exemple, Nineigara, l'épouse de Ningublaga, donc la bru de Nana, est qualifiée de reine du pur Enoun. Et par ailleurs, Shala, l'épouse d'Adad, se dit la dame de l'Enoun. Il apparaît donc très probable que Enoun n'est pas un nom propre du temple de Ningal, et on a simplement affaire au nom commun que l'on lit Agroun en sumérien et qui correspond au mot akkadien Kummum et qui décrit tout simplement une chambre. Et de fait, on a un texte qui nous dit que l'Enoun est l'endroit où Ningal a mis au monde son fils, le dieu Utu Shamash. Donc, il faut lire Agroun Koutroi. Et c'est un nom commun qui désigne au sens étroit la chambre à coucher de Ningal et par extension le temple de Ningal tout entier, donc la partie sud-est du bâtiment. Dans ce bâtiment, eh bien, on procédait bien entendu à des offrandes et dans les textes qui émanent du Ganunmar de Ningal, on a des dépenses qui sont décrites de deux façons différentes, selon qu'il s'agit d'offrandes journalières ou bien de fêtes plus épisodiques. On voit que les bénéficiaires sont, outre la déesse Ningal, des divinités mineures et, comme nous l'avons déjà vu, les Entoum décédés. J'en viens à la question du personnel du temple de Ningal. Alors, je voudrais d'abord dire ce qui était déjà connu et ensuite développer un peu plus sur ce que les fouilles de 2017 nous ont appris. Les responsables. Normalement, un temple a comme responsable un Shangoum. Et nous n'en avons qu'une seule attestation à l'époque de Rimsin II, où un personnage qui porte un nom théophore de Nana est décrit comme Shangoum du temple de Ningal, fils d'Imgursin et puis serviteur d'un dieu dont le nom a disparu. Alors, c'est compliqué parce que la question est de savoir, bien entendu, comment se répartissent les responsabilités entre le Shangoum et l'Entoum. Et comme je vous ai dit qu'on n'a pas d'attestation d'Entoum pour la fin de la période paléo-babylonienne, on peut se demander si l'absence de Shangoum dans les périodes antérieures est due au hasard ou pas. Par ailleurs, on connaît une famille depuis le règne de Gungunum jusqu'à l'époque de Rimsin qui occupait la charge de intendant. Abarakum en akkadien, Agrig en sumérien, et qui porte parfois un autre titre qui est celui de Shita Eshtroi, donc un titre qui est manifestement équivalent. Donc on voit ici, comme dans bien d'autres cas, une charge ecclésiastique qui est transmise de père en fils à travers les générations. À côté de ces administrateurs, il convient de citer le personnel religieux. Donc on a des Pachichoum, qui sont définis soit par rapport à l'Enun, soit par rapport à la déesse Ningal. Donc on retrouve ici un phénomène que nous avons déjà rencontré. Et puis il y a donc ces charges de balayeurs chargés de la propreté des lieux et de portiers auxquels j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Il s'agit de prébendes dont les titulaires se succédaient à tour de rôle. On connaît par ailleurs d'autres tâches, un meunier ou encore un cultivateur qui habitait une maison qui a été retrouvée sur le site EM. Et on peut, pour terminer, mentionner les bergers du temple de Ningal qui apportaient les produits du troupeau de la déesse. Bien entendu, ceci n'est pas exhaustif, mais c'est dû au hasard de nos sources. J'en viens à la maison de l'intendant Sinada, qui a été découverte lors des fouilles de 2017 dans le chantier A, ouvert par l'équipe allemande dirigée par Adelaide Otto, à plusieurs centaines de mètres au sud du quartier AH. On y a retrouvé une demeure particulièrement grande et soignée. Les textes ont été découverts sous le dernier niveau d'occupation. Ils se situent entre le règne de Siniribam et celui de Tzili Hadad, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et ils ont été manifestement mis au rebut lors d'un changement d'occupant vers 1835, et donc un siècle avant que la ville d'Ur ait été abandonnée sous le roi de Babylone, Samsu-iluna. Les tablettes, le plus souvent fragmentaires, ainsi que des étiquettes scellées, ont été retrouvées mêlées à des tessons, des ossements et d'autres déchets qui sont actuellement en cours d'analyse. Quel était l'occupant de cette grande demeure? La figure qui se détache du lot, c'est celle d'un certain Sinada. Son sceau comporte, après son nom, quatre lignes, dont les trois premières indiquent qu'il était fils de Igi Anakezu, scribe et intendant du temple de Ningal. Ce sceau a été déroulé sur des étiquettes en argile qui servaient à fermer divers contenants, mais aussi sur des enveloppes de lettres dont des fragments ont été retrouvés. Or, une des lettres retrouvées dans cette maison était adressée à une femme nommée Nutuptum, très vraisemblablement l'épouse de ce Sinada. Après avoir dressé la liste des objets qui lui faisaient parvenir, Sinada ajoutait qu'il rentrerait 10 jours plus tard. Et donc, le fait que Sinada n'ait pas été le destinataire, mais l'expéditeur d'une lettre retrouvée dans cette maison, n'empêche pas qu'il en ait été l'occupant principal. En regardant très attentivement toutes les empreintes du sceau de Sinada, je me suis rendu compte que la cinquième ligne de la légende n'était pas toujours la même. Il y a des cas où il est décrit comme serviteur de Siniribam et d'autres où on le voit serviteur de Tzili Hadad. Donc on voit que Sinada a éprouvé le besoin de changer de sceau à l'avènement de Tzili Hadad en 1835. Ce qui est très intéressant, c'est que Tzili Hadad, nous l'avons vu tout à l'heure, a entamé des travaux de rénovation du temple de Ningal. Donc l'impression que l'on a, c'est que Sinada a réussi à convaincre le roi Tzili Hadad de l'urgence de ses réparations dans le sanctuaire dont il était responsable. Et la fin prématurée de Tzili Hadad, provoquée par l'arrivée d'une nouvelle dynastie, explique que les travaux n'aient pu être achevés que sous le successeur de Tzili Hadad, Waratsim, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, l'un des intérêts des découvertes épigraphiques dans la maison de Sinada réside dans les nombreux textes scolaires exhumés. Et je terminerai en indiquant qu'une partie seulement de la maison habitée par Sinada a été fouillée en 2017. Le nettoyage superficiel a permis de voir qu'elle s'étendait sur une surface bien plus grande. Et cela réserve certainement de bonnes surprises pour la prochaine campagne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Dominique Charpin, sa série La ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. Aujourd'hui, le guiparcou, princesse et religion. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Sa leçon inaugurale, Comment peut-on être assyriologue, est publiée chez Fayard. Aux éditions Les Belles Lettres avec le Collège de France, il a publié « La vie méconnue des temples mésopotamiens » en 2017 et « Les alliances dans le Proche-Orient ancien » en 2019. Y Iconographie web, Marion Barsac. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Meneghetti. Demain, nous retrouverons Dominique Charpin pour sa série de cours sur la ville d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. Il sera question du clergé et de son habitat. Dans quelques instants, vous retrouvez les petits matins. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de France Culture.